quoiqu'on me parlât de Fabrice à la citadelle de Parme, comme d'un traître infâme qui avait violé les devoirs les plus sacrés, toutefois, le bon prêtre Don Cesare fut ravi par la vue des beaux livres qu'un inconnu lui faisait parvenir. Don Cesare ne parla point de cette attention à son frère, qui entrait en fureur au seul nom de Fabrice. Mais, depuis la fuite de ce dernier, il avait repris toute son ancienne intimité avec son aimable nièce. Et, comme il avait enseigné jadis quelques mots de latin, il lui fit voir les beaux ouvrages qu'il recevait. Tel avait été l'espoir du voyageur. Tout à coup, Clélia rougit extrêmement. Elle venait de reconnaître l'écriture de Fabrice. De grands morceaux fort étroits de papier jaune étaient placés, en guise de signet, en divers endroits du volume. Clélia demanda alors à son oncle de comparer l'ancien exemplaire de Saint-Jérôme avec celui qu'il venait de recevoir. Comment dire son ravissement au milieu de la sombre tristesse où l'absence de Fabrice l'avait plongé, lorsqu'elle trouva, sur les marges de l'ancien Saint-Jérôme, un sonnet amoureux et les mémoires, jour par jour, de l'amour qu'on avait senti pour elle. Dès le premier jour, elle sut le sonnet par cœur. Elle le chantait, appuyée sur sa fenêtre, devant la fenêtre, désormais solitaire, où elle avait vu, si souvent, une petite ouverture se démasquer dans l'abat-jour. Chacune des démarches de Clélia était pour elle l'objet d'un vif remords. Et depuis qu'elle était malheureuse, les remords étaient plus vifs. Elle cherchait à apaiser un peu les reproches qu'elle s'adressait, en se rappelant le vœu de ne jamais revoir Fabrice, fait par elle à la Madone lors du demi-empoisonnement du général, et depuis, chaque jour renouvelé. Son père avait été malade de l'évasion de Fabrice, et de plus, il avait été sur le point de perdre sa place, lorsque le prince, dans sa colère, destitua tous les geôliers de la tour Farnèse et les fit passer comme prisonniers dans la prison de la ville. Le général avait été sauvé en partie par l'intercession du comte Mosca, qui aimait mieux le voir enfermé au sommet de sa citadelle que rival actif et intrigant dans les cercles de la cour. Ce fut pendant les 15 jours que dura l'incertitude relativement à la disgrâce du général Fabio Conti, réellement malade, que Clélia eut le courage d'exécuter le sacrifice qu'elle avait annoncé à Fabrice. Un soir, après une journée passée presque tout entière à la chapelle et dans les larmes, elle pria son oncle Don Cesare de l'accompagner chez le général, dont les accès de fureur l'effrayaient d'autant plus qu'à tout propos, il émettait des imprécations contre Fabrice, cet abominable traître. Arrivée en présence de son père, elle eut le courage de lui dire que si toujours elle avait refusé de donner la main au marquis Crescenzi, c'est qu'elle ne sentait aucune inclination pour lui et qu'elle était assurée de ne point trouver le bonheur dans cette union. À ces mots, le général entra en fureur et Clélia eut assez de peine à reprendre la parole. Elle ajouta que si son père, séduit par la grande fortune du marquis, croyait devoir lui donner l'ordre précis de l'épouser, elle était prête à obéir. Le général fut tout étonné de cette conclusion, à laquelle il était loin de s'attendre. Il finit pourtant par s'en réjouir. « Ainsi, dit-il à son frère, je ne serai pas réduit à loger dans un second étage si ce polisson de Fabrice me fait perdre ma place par son mauvais procédé. » Quant au comte Mosca, il ne manquait pas de se montrer profondément scandalisé de l'évasion de ce mauvais sujet de Fabrice.